Salut à toi qui m'écoute. Mon nom est Puvux. Et je vais te raconter mon histoire. Je suis ici, coincé sur une terre hostile. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je suis recherché. Des gens sont à ma poursuite. Ils me veulent beaucoup de mal. Le petit journal de l'Apocalypse sera mon témoignage. Je vous livrerai ici toutes mes histoires. En espérant qu'elle trouve son public un jour. Salut à toi qui m'écoute.